verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. Un gentil têtard, un gentil têtard, avec sa guitare, avec sa guitare, chante des chansons, la, la, la. Chante des chansons, aux poissons. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. 20 000 fourmis, 20 000 fourmis, prendre le taxi, prendre le taxi, pour faire un petit tour, pour faire un petit tour, dans la cour, dans la cour. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. La baleine bleue, avaler sa queue, avaler sa queue, avec une tartine, mmh, avec une tartine. Quelle cuisine, quelle cuisine. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. Un rhinocéros, un rhinocéros, monter en carrosse, monter en carrosse, afin d'être à l'heure, chez sa sœur. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. Un chat de gouttière, un chat de gouttière, boire un verre de bière, boire un verre de bière, dans un restaurant, dans un restaurant, élégant, élégant. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, jamais. Un serpent piteux, un serpent piteux, tout vieux, tout boiteux, tout vieux, tout boiteux, sur une bicyclette, sur une bicyclette, sans lunettes, sans lunettes. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais. On ne verra jamais, mémé, on ne verra jamais.